Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de choisir Isanganiro pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. Le ministère ayant le budget dans ses attributions tranquillise que la nouvelle tarification liée à l'allocation des échoppes pourrait être revue à la baisse. Le ministre Audace Niyonzima, dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Isanganiro, vous fera les précisions sur cette décision. La mesure du chef de l'État octroyant l'équivalent du dernier salaire aux retraités avance bon train. L'annonce du ministre en charge du Travail qui fait savoir que l'identification des retraités est déjà achevée. Vous le suivrez dans ce journal. La pénurie des produits de première nécessité inquiète les demandeurs qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro à Chibitoke. Les consommateurs des produits Braroudi se lamentent et à Kayanza, c'est la carence du ciment Bousseco qui fait parler d'elle, et à Karoussi, les files d'attente du carburant persistent. Dans ce journal également, on parlera de la pénurie d'eau potable dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Notre reporter a fait le tour dans le quartier Taba de la zone Guihosha. Voilà pour l'essentiel de ce journal, présenté par Aïssa Liane Inamahoro et mis en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Le ministère en charge du budget se dit prêt pour les discussions relatives à la nouvelle tarification liée à l'allocation des échoppes dans les marchés municipaux. Dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Isanganiro ce mercredi, le ministre rassure que cette tarification pourrait être revue à la baisse s'il s'avère qu'elle s'est basée sur des informations erronées. Honorable Audace Niyonzima rappelle que sa fixation découle de la loi budgétaire en cours et non de l'Office burundais des recettes. Suivez-le, il s'est entretenu avec notre confrère Jean de Dieu Irakodze. L'OBR est chargé de collecter les impôts, les taxes qui sont prévues dans le texte de loi. Alors pour le cas précis des loyers, des stands, des shops, des marchés qui font partie du patrimoine de l'État, ces recettes sont prévues par l'article 63 de la loi budgétaire de l'exercice 2023-2024. Donc l'OBR est en train de collecter ses recettes conformément à cette disposition. L'OBR a fixé ses tarifs conformément aux tarifs qui sont appliqués sur le marché dans l'objectif d'assurer l'équité entre les vendeurs qui louaient directement auprès des mairies ou de la commune et des autres vendeurs, des commerçants qui louaient ces stands, ces shops à travers les commissionnaires qui les ont reçus des institutions publiques. Alors, le gouvernement a voulu harmoniser. Assurer l'équité. Votre collègue ministre de l'Intérieur propose des dialogues, discussions entre les parties prenantes concernant cette question. Votre ministère est-il prêt à participer? Le dialogue est toujours bon. Comme il s'agit des changements, comme il s'agit des réformes, c'est toujours important d'expliquer aux concernés en quoi consiste la mise en œuvre de cette réforme. Le dialogue entre les concernés, donc les commerçants qui vont occuper ces places publiques qui vont payer ces loyers, le dialogue pour moi ne pose pas de problème. Y a-t-il de l'espoir que cette tarification pourrait être revue à la baisse? Je pense qu'on ne peut pas dire la baisse. Si on trouve que l'OBR s'est trompé en fixant l'un ou l'autre tarif, on pourra réviser. Mais les tarifs, il ne faut pas dire que les tarifs sont très élevés, alors que les tarifs sont des tarifs qui sont déjà pratiqués sur le marché. On va peut-être procéder à l'explication de comment ces tarifs ont été fixés. Mais s'il s'avère que l'OBR se serait trompé dans la fixation des tarifs, on peut toujours les réviser, parce que c'est un début de la réforme. Ce n'est pas statique. Donc on peut toujours réviser s'il s'avère qu'il y a des erreurs dans la fixation de ces tarifs. Et oui, le ministre en charge du budget répondait aux questions de notre confrère Jean de Dieu Irakodze. Certains consommateurs des produits Braroudi du chef-lieu de la province Chibitoke n'ont pas bien accueilli la mesure de montée de prix sur ces produits. Ils demandent à ceux qui prennent des décisions de revoir cette mesure tout en indiquant qu'ils se trouvent dans la pauvreté au moment où ils sont dans la période d'achat du matériel scolaire pour leurs enfants. Les vendeurs des produits Braroudi, quant à eux, disent que la disponibilité de ces produits, ils demandent aux autorités administratives de faire respecter les prix pour éviter les spéculations éventuelles. Le point avec Alexis Ndaïra-Guidje. Au chef-lieu de la province Chibitoki, les consommateurs de produits Blaroudi indiquent que ce n'était pas le moment de monter les prix sur ces produits. Au moment où ils sont préoccupés par l'achat du matériel scolaire pour la prochaine année scolaire et surtout qu'ils sont menacés par la pauvreté. Ils demandent aux décideurs de revoir ses prix à la baisse pour satisfaire la population en période de pauvreté. Mais les vendeurs de ces produits et les consommateurs demandent la disponibilité de ces produits. C'est au moment où certains propriétaires des bistrots affirment qu'ils peuvent passer plus de 2 jours sans certains produits Blaroudi dans le stock. Il demande également aux autorités administratives de faire respecter les prix afin d'éviter des spéculations éventuelles. Certains propriétaires de bistrot et certains propriétaires de dépôts qui avaient les produits Blaroudi dans le stock ont directement monté les prix, ce qui a créé des mécontentements chez certains consommateurs. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci à Alexis Ndairagije. Le manque de carburant de type essence dure une période de 2 semaines dans la province Karoussi, une province qui compte une seule station-service actuellement fonctionnelle. À cette station-service qui est à Bouhiga, s'observent de longues files de véhicules et motos qui passent cette période en attente que ce carburant arrive. C'est au moment où d'autres restent garés dans les ménages. Au marché noir, en litre s'achète 15 000 francs bout et la bouteille dans litre et demi d'essence coûte entre 20 000 et 25 000 francs bout, et cela dans la clandestinité totale. Le point avec Blaise Pascal Kalaloumeye. Depuis les 2 semaines écoulées, plusieurs véhicules, à majorité des voitures et des motos, font de longues files d'attente à la station-service de Bouhiga, la seule station qui est fonctionnelle dans toute la province de Karoussi. Les agents travailleurs de cette station confirme qu'il y a 2 semaines qu'ils n'ont pas eu d'approvisionnement en essence. Il signale que les propriétaires de ces véhicules et motos n'ont pas cru à leur dire, laissant leurs engins à la station. Certains préférant engager même des veilleurs et d'autres les laissant dans les milieux les plus proches de la station. Cette situation perturbe le transport dans la province Karoussi que certains habitants sont contraints d'annuler leur voyage. Celui qui s'engage paie des sommes exorbitantes allant du double au même au triple par rapport au ticket habituel et voire même complètement manquer le véhicule et retourner à la maison. Les chauffeurs de ces voitures Probox avaient même décidé de suspendre le travail durant les 3 jours précédents, samedi, dimanche et lundi. Ces derniers expliquent qu'ils ont trouvé impossible le respect de tickets de voyage récemment fixés à 6 500 francs pour le trajet de Gitega à Karoussi et 4 000 francs pour le trajet de Karoussi-Muyinga. Ces derniers signalent aussi qu'actuellement, ils sont obligés d'aller chercher de l'essence dans d'autres provinces. À Karoussi, 1 litre d'essence s'achète 15 000 francs et la bouteille d'eau Kinjou appelée Ikibuni s'achète entre 20 000 et 25 000 francs et cela dans la clandestinité totale. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Quittons Karoussi, rendons-nous en province Kayanza où ça fait plus de deux mois qu'il y a pénurie du ciment produit par l'usine Bousseco. Les habitants de cette province ayant des chantiers en construction déplorent le manque de ce produit alors qu'il est même revu à la hausse. Ainsi, depuis mardi, le ciment du type R32.5 est passé de 28 500 à 38 000, tandis que celui R42.5 est passé de 34 000 à 48 000 francs bout. La population à Kayanza demande à la Bousseco la disponibilité du ciment et en quantité suffisante. Correspondant signé Patrick Sengiyumba. Au chef-lieu de la province Kayanza, sur 4 points de vente qui distribuent le ciment produit par la Bousseco, il y a plus de 2 mois que ce produit n'est disponible nulle part. Les commerçants du ciment Kayanza demandent à la société Bousseco de voir comment rendre disponibles ces produits et en quantité suffisante également. Selon les mêmes commerçants du ciment Kayanza, c'est inconcevable que le ciment importé soit disponible et cher, alors que le ciment produit au Burundi par la Bousseco est indisponible. Des habitants de la province Kayanza qui ont des chantiers en construction se lamentent comme quoi ils utilisent le ciment de type Simba importé en Tanzanie et qui est cher également. Tout comme les commerçants, ces habitants demandent à la Bousseco de trouver solution à ce problème lié à la pénurie du ciment. Contacté à ce propos, Sylvestre Ndouimana, représentant des commerçants en province Kayanza, celui-ci tranquillise les habitants de la province Kayanza que le ciment de la Bousseco pourrait être disponible les jours à venir, surtout avec la récente hausse des prix de ce produit. Le ciment de type R32.5 est passé de 28 500 à 38 000 francs au moment où celui R42.5 est passé de 34 000 à 48 000 francs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Et oui, poursuivons ce journal par cette brève. Trois personnes, dont deux conducteurs de moto et un passager à bord de moto, sont mortes brûlées par l'exploitation d'essence lors d'un accident de roulage de deux motos qui se sont cognées ce matin sur la route RM12 dans un endroit appelé Kajwagara. C'est en commune Giheta de la province Gitega. Un des motards concernés transportait de l'essence dans deux bidons et bouteilles en plastique. Et c'est cette essence qui a pris feu. Le commissaire provincial de la police à Gitega conseille aux gens de ne pas garder le carburant chez eux et de s'approvisionner en carburant à des stations-service afin d'éviter ce genre d'accident et la fraude de carburant. C'est une information que nous devons à Gérard Nibigira, qui est notre correspondant dans la province Gitega. Il s'observe une pénurie d'eau potable dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Les habitants du quartier Tawa, zone Gihosha, se plaignent qu'ils viennent de passer deux mois sans avoir de l'eau potable provenant de la régie des eaux durant la journée. Ils indiquent être approvisionnés vers les 2h du matin et cela ne leur facilite pas la tâche. Le chef de quartier Tawa confirme cette situation. Il demande à la régie des eaux de résoudre ce problème. Reportage signé Sheila Iram. Icyo dusaba régie des eaux yoba ngo kikaraba ukuntu yo turonsa amazi simbona yuko ahandi hose mu makartier bafise amazi twebwe atamazi turonka. Ces personnes sont des habitants du quartier Tawa, zone Gihosha, commune Ntahangwa, une localité où s'observe une pénurie d'eau. Les habitants de cette localité indiquent craindre d'attraper les maladies des mains sales. Selon eux, la régie des eaux vient de passer plus de deux mois sans les approvisionner en eau potable. Et si elle le fait, elle les approvisionne tard dans la nuit, indique-t-il. On nous approvisionne vers 3h ou 4h. Et là aussi, c'est en petite quantité. Les gens cherchent où s'en procurer, mais en vain. Il se fait que nous sommes confrontés à une situation où les maladies des mains sales nous guettent, à savoir le choléra et autres. Nous nous levons à 2h du matin pour puiser de l'eau. Nous y allons les bidons sur le dos. Il arrive que nous croisons des voleurs et que ces derniers nous volent. Tout cela se passe alors que nous avons des robinets dans nos maisons. Cela nous étonne vraiment. Et de demander à la régie des eaux de résoudre cette question, car même quelques robinets publics sont à sec. Nous demandons qu'ils nous approvisionnent en eau, à l'instar des autres quartiers. L'administration à la base confirme cette situation et le chef de quartier demande également à la régie des eaux de trouver une solution pour que chaque ménage puisse avoir de l'eau dans leur robinet. En gros, c'est un problème qui provient de la régie des eaux. Sur 5 cellules, 3 seulement sont approvisionnées en eau correctement. Une information tirée de l'administration à la base est qu'ils espèrent un ouf de soulagement car une ONG locale est en train de faire le forage pour les approvisionner en eau potable. Lors de notre passage, des manœuvres étaient en train de creuser pour frayer le chemin où cette eau va passer. Et oui, vous pouvez retrouver en image ce reportage de Sheila Irambona sur la télévision Isanganiro. Le ministère en charge du travail indique que l'identification des retraités est déjà achevée et que les concernés recevront les pensions conformément à la mesure du chef de l'État, leur accordant l'équivalent du dernier salaire. Le ministre l'a dit ce mercredi lors de la présentation des réalisations de l'année budgétaire 2022-2023. Deo Lusengwa Mihigo tranquillise ses retraités qu'ils vont bénéficier bientôt de leurs droits. Suivez-le. Les retraités, comme l'a si bien dit Son Excellence le Président de la République, ils devront partir avec un montant égal ou presque égal au salaire régulièrement perçu. Eh bien, à ceci, nous sommes à l'opération. Nous nous sommes d'abord attelés à calculer les départs des retraités, ceux qui partent à 60 ans, ils sont à combien ? À 61, à 62, à 63, à 64 et à 65 ans. Ce qui fait 6 promotions de retraités. par temps. Cette opération est déjà clôturée. Nous savons maintenant les effectifs. Maintenant, nous sommes à la deuxième opération qui est de régulariser la carrière de ces retraités partants. Nous sommes à l'opération et en pleine opération. Nous osons espérer qu'avant la fin du mois, tout sera donné parce qu'il y a des équipes fortes qui sont mises en place et qui sont au travail. Nous osons espérer qu'à la quinzaine du mois, ou tendant vers 3 semaines du mois, qu'ils auront déjà terminé. Cela a été un mot d'ordre lancé par Son Excellence le Président de la République. Et à cela, nous devons nous y mettre pour qu'enfin sa parole soit une réalité. Et cela est une réalité prochaine. Parle, rassure-moi. Il existe des cas de crimes impunis et ceci ne veut pas dire qu'il y a de l'impunité au Burundi. Maître Fabien Segatkwa explique qu'il faut plutôt éviter la généralisation car elle conduit à des crimes cycliques qu'a connu le pays dans le temps. Pour lui, l'essentiel est que la justice soit rendue objectivement pour tranquilliser ceux qui portent plainte. Francine Ndihokubgayo pour plus de détails. L'impunité en général n'existe pas dans un pays où il y a des cours et tribunaux, selon Maître Fabien Segatkwa. Pour lui, c'est un terme du passé qui ne devrait plus être évoqué aujourd'hui. C'était dans le temps où il y avait un conflit Hutu-Tutsi. Les Hutus disaient que les Tutsis n'étaient pas poursuivis parce qu'on disait que la magistrature était monoethnique, était à couleur Tutsi. Mais aujourd'hui aussi qu'il y a un mélange de Hutu et de Tutsi, le même langage continue. Mais je ne pense pas vraiment qu'il y a l'impunité au Burundi. Il y a quelques cas impunis, mais il n'y a pas de l'impunité en général. C'est comme s'il n'y avait pas de justice, comme s'il n'y avait pas de cours et tribunaux, comme si on ne siégeait pas, comme s'il n'y a pas de jugements qui sont rendus. Alors que tous les jours, à travers tout le territoire burundais, eh bien, il y a des assises, des juges contre les criminels ou contre les conflits. Maître Segatkwa trouve que les gens ne devraient pas continuer à généraliser pour éviter la haine dans les cœurs des Burundais. Je pense qu'il faudrait plutôt élever le débat et parler des Tutsis qui ont fait les crimes, des Hutus qui ont fait les crimes, mais ce ne sont pas les Hutus, ce ne sont pas tous les Tutsis. Et lorsque même vous parlez des juges qui ne sont pas corrects, ce ne sont pas les juges Hutus, les juges Tutsis, ce sont les juges. Donc, en d'autres mots, il faudrait laisser de côté la généralisation qui nous a conduit justement à la guerre civile que nous avons connue, qui a duré d'ailleurs très longtemps. C'est plutôt cette généralisation qui emporte plutôt le germe des haines plutôt que de l'impunité. Parce que justement, les gens d'un bord, quoi qu'on ne punit pas les gens de l'autre bord. Mais ce sont des Burundais individuellement qui doivent être poursuivis. Les décideurs doivent mettre en place une justice qui inspire la confiance, selon toujours Maître Segatkwa. Nous nous plaignons tout le temps contre la justice, mais tous les jours on ouvre des dossiers en justice. Alors, c'est paradoxal. Donc, en d'autres mots, c'est fondamental. L'homme a besoin d'une justice et on ne peut même pas dire que la justice est mal rendue. Non, il y a quelques dossiers qui sont mal rendus, mais la plupart des dossiers sont bien rendus. D'ailleurs, vous avez entendu devant le Conseil supérieur de la magistrature, on l'a dit, 95% des dossiers qui se trouvent au Conseil supérieur de la magistrature sont bons. Il n'y a que peut-être 5% qui ne sont pas bons. Mais évidemment, comme tout le monde veut bien que la justice soit blanc comme neige, même les 5%, on ne les supporte pas. On aurait bien voulu que ça soit 100%. Mais 100% n'existe pas dans la justice humaine. Maître Segatkwa rappelle que la législation a prévu que celui qui n'est pas satisfait d'une décision peut faire des recours. Ceci permet de diminuer le plus possible les erreurs judiciaires qui peuvent exister. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci François Akimana pour ta parfaite collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamahoro. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro. Au revoir.